À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le meeting et l'exposition de photos, de livres et d'œuvres d'art coréens ont eu lieu le 6 courant en Mexique, alors que le colloque le 7 courant en Malaisie. Dans le salon étaient exposées les photos qui présentent les exploits mortels du président Kim Il-sung, du dirigeant Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, les œuvres classiques des grands hommes Baek-tsan, les publications montrant la Corée du Sud, les tableaux de peinture traduisant l'intelligence et le talent du peuple coréen. Y ont pris part les personnalités des organisations politiques et sociales et les habitants des pays hôtes. Les orateurs ont exalté que Kim Jong-il est le grand homme politique qui avait renforcé le Parti du Travail de Corée comme une organisation politique puissante. Par ailleurs, à l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée et du 16e anniversaire de la publication de la Déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, les séminaires se sont déroulés du 6 au 8 courant à Milovice, Tchèque, et aux filiales du comité national éthiopien d'études du kimilsonisme et kimjonglisme.